Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Dans cette édition de La Connexion, les jeux vidéo seraient plus satisfaisants pour les hommes que pour les femmes. La moitié de la population mondiale aura un cellulaire cette année. Un mandat d'arrêt contre un Montréalais accusé de piratage de films. Apple confesse quelques problèmes avec le MacBook Air. Et le centre-ville de Trois-Rivières en Wi-Fi. Tout ça et plus tout de suite, c'est l'heure du jeu! Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, l'émission la plus rapide au monde. Je m'appelle Mathieu Plante, jeudi 7 février ou mardi 12 février. Bienvenue, on parle des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Ça va être tellement bon, on parle de jeux vidéo, hein? C'est vrai, on parle de jeux vidéo dans quelques secondes à peine. Mais avant, voici Our Pops et Thelma Louise à La Connexion, c'est fou, 89.1 FM. Just like that. Thelma & Louise, de la formation Horror Pop, ça vient de leur nouvel album Kiss, Kiss, Kill, Kill, ici à La Connexion. Et maintenant, c'est l'heure de parler jeux vidéo. Le fil jeux vidéo cette semaine, les nouvelles qui ont marqué le monde vidéoludique. On commence par une grosse, grosse surprise là. Votre blonde n'aime pas les jeux vidéo autant que vous et vos chums, demande un article de Jouets.com. Et bien, ce serait tout à fait naturel. En effet, les chercheurs de la faculté de médecine de l'université de Stanford ont découvert que certaines portions du cerveau des hommes sont davantage stimulées par la pratique des jeux vidéo. Cela n'étonnera personne, a dit l'article, mais l'industrie du jeu vidéo compte davantage d'hommes que de femmes parmi ses adeptes. Je croyais pour ma part que ça, c'était surtout parce que les jeux étaient conçus par des hommes pour des hommes. Ce serait plutôt une question de physiologie. En effet, le système... regardez bien ça. Le système dopaminergique mésocorticolimbique, encore appelé système de récompense et de punition qui gère nos désirs, nos plaisirs et nos émotions, serait le plus grand responsable de notre passion envers les jeux vidéo. Le docteur en médecine Alan Rice et son équipe ont étudié les effets de la pratique des jeux vidéo sur cette région. Pour ce faire, ils ont conçu un jeu très simple où les joueurs devaient attraper des balles fonçant vers un mur, bien qu'il n'ait pas expliqué aux joueurs qu'ils pouvaient effectuer des gains territoriaux en empêchant les balles de frapper le mur. Les 11 joueurs et 11 joueuses qui ont participé à l'enquête reliée à un appareil d'imagerie par résonance magnétique ont tous pigé ce concept rapidement et attrapé le même nombre de balles au cours d'un intervalle de 24 secondes. Toutefois, l'étude démontre que les hommes se sont efforcés davantage à arrêter les balles s'apprêtant à frapper le mur que les femmes. Leur centre mésocortico-limbique ayant été davantage stimulé, ceci prouve qu'ils ont particulièrement apprécié effectuer des gains territoriaux. Plusieurs jeux vidéo incorporant la notion de gain territorial, il est donc naturel que les hommes préfèrent les jeux vidéo que les femmes. Ce n'est certainement pas la surprise du siècle, dit l'article, mais c'est tout de même rassurant. L'article est sur jouets.com et d'ailleurs le site de La Connexion est de retour en ligne, www.unechance.com. Vous allez pouvoir retrouver tous les liens de l'émission d'aujourd'hui en un seul super billet sur le www.unechance.com. Un message posté sur le forum officiel de Age of Conan, le jeu vidéo, nous apprend que le jeu sera censuré en Allemagne, où il n'y aura pas de fatalité ou encore des décapitations, des démembrements, et aux États-Unis, où les joueurs ne verront aucun téton à l'écran, c'est ce que dit l'article de jeuxvideo.com. Partout ailleurs, le jeu de rôle massivement multijoueur de Funcom sera comme les développeurs l'ont initialement voulu, c'est-à-dire violent, gore et un peu dénudé. En France, Age of Conan devrait être disponible le 20 mai sur PC et Xbox 360. Les deux versions seront bien évidemment interdites aux moins de 18 ans. Il y a une mise à jour dans l'article. Ça arrive des fois quand on suit les nouvelles à chaque jour. Mais Funcom est finalement revenu sur ses propos et la version des États-Unis ne sera pas censurée. C'est ce que dit l'article de jeuxvideo.com. Il y a quelques jours, Sony a confirmé que la PlayStation 3 ayant un disque dur de 80 Go n'allait plus être produite. Puis le site Ars Technica a publié un article affirmant qu'un modèle 120 Go avec une manette DualShock 3 allait remplacer la version 80 Go. Et bien selon IGN, plus tard, donc qui cite des sources chez plusieurs détaillants GameStop, la PlayStation 3 120 Go est une réalité et elle viendra bel et bien avec une manette DS3. La date de sortie et le prix de vente n'ont pas encore été dévoilés. IGN a contacté Sony afin d'en savoir davantage et un représentant a répondu, et je cite, « Nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations. Toutes ces nouvelles à propos de nouveaux modèles pour la PS3 ne sont que ça, des rumeurs et des spéculations. » On viendra sûrement sur le sujet la semaine prochaine. Tentative désespérée pour contrer la menace de plus en plus grande du Blu-ray ou bien une nouvelle façon d'encourager les consommateurs à opter pour le HD-DVD. C'est ce que demande ArtGamers.com. Quoi qu'il en soit, le prix du lecteur HD-DVD pour la Xbox 360 a chuté. Et maintenant, ça se détaille désormais à 130$ américains aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie. À vous de voir maintenant si vous désirez opter pour ce format ayant perdu plusieurs plumes au cours des derniers mois. Donc l'article de ArtGamers.com. Sony clame un peu partout à qui veut bien l'entendre qu'un million de PlayStation 3 sont désormais inscrites au programme Folding at Home. On peut rappeler qu'il s'agit d'un système de calcul réparti qui relie des milliers d'ordinateurs ou dans ce cas-ci des consoles à travers le monde pour effectuer des recherches complexes. C'est le fonctionnement du célèbre programme de détection de vie extraterrestre SETI at Home, mais dans le cas de Folding at Home, il s'agit de mieux comprendre le mécanisme de repliement des protéines pour tenter de guérir les maladies associées. Bref, une noble cause qui bénéficierait donc maintenant de l'appui d'un million de PS3. Pourtant, sans vouloir jouer les troubles fêtes, dit jeuxvideo.com, un rapide tour sur les statistiques toutes fraîches indique seulement 423 000 PlayStation 3, dont 24 000 environ participent activement. En revanche, il est indéniable qu'avec 593 teraflops, la console de Sony apporte la plus grande part de la puissance de calcul totale du projet Folding at Home. Selon productionchart.com, parlons cinéma, tiens, c'est un site ça, qui suit la production des films d'Hollywood. Le tournage de Max Payne commencera le 2 mars à Toronto. Il s'agit d'une adaptation cinématographique basée sur le jeu de tir développé par Remedy Entertainment. Il va être réalisé par John Moore de Behind Enemy Lines et The Omen, et c'est Mark Wahlberg qui va incarner Max Payne. Puisque le script n'est pas encore public, il est impossible de savoir si l'histoire du film ressemblera à celle des jeux vidéo Max Payne. Toujours dans le domaine du cinéma, adulé par les otaku tout autant alléché par les bikinis que l'autodérision de la série, Wan Chanbara tentera bientôt la grande aventure du cinéma, un peu comme Dead or Alive avant lui. Produit par Jolly Rogers, ce film mettra bien entendu en scène Aya, l'héroïne samouraï et son chapeau de cow-boy incarné par l'idole Eri Otoguro, dit l'article, flanqué de sa demi-sœur collégienne Saki et d'une autre nana toute de cuir vêtue. Détroit Publisher a bien cerné les attentes du public, dit l'article. Et on a hâte de voir tout ça projeté sur grand écran à partir de fin avril au Japon. Voilà, donc, coïncidence peu fortuite. Le jeu, oui, sera disponible à compter du 7 février au Japon. Donc, le jeu Wan Chanbara. Toujours en cinéma, le patron de Rockstar a récemment coupé court aux rumeurs insistantes selon lesquelles un film sur Grand Theft Auto serait envisagé. Dernièrement, on pouvait effectivement lire un peu partout sur Internet qu'un accord était sur le point d'être conclu avec un grand studio et que le nom d'Eminem avait été retenu pour le casting. Les propos de Dan Houser, cependant, ne souffrent d'aucune ambiguïté. Je cite « Nous n'avons jamais envisagé de mettre en œuvre ce projet. Rockstar n'y a pas été associé de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. » Et il ajoute « Cela ne nous intéresse pas actuellement. » Donc voilà, c'est assez clair. L'article vient de jeuxvideo.com. Ça fait le tour des nouvelles de jeux vidéo pour cette semaine. Regardons les jeux qui ont été les plus loués dans les superclubs Vidéotron la semaine dernière. En cinquième, on retrouvait Burnout Paradise sur la PS3. En quatrième, c'est Super Mario Galaxy sur la Wii. En troisième, Call of Duty 4 Modern Warfare sur la 360. En deuxième, c'est Assassin's Creed sur la 360. Et le jeu le plus loué la semaine dernière, c'est Burnout Paradise sur la 360. Voici Téléphérique à la connexion à C'est Fou 89.1 FM. Désormais j'aime tout ce qui est suggéré d'aimer. De ton bord, t'écoutes quoi dire avant de parler. J'avance que quand on me laisse passer, tu ne changes rien sans consulter. J'accepte la place qu'on m'a donnée. Yeah. préféré qu'avec la pièce Le Mirage, c'est sur le palmarès francophone de C'est fou et ça vient de leur album Le Fil Conducteur. Vous écoutez La Connexion en direct le jeudi et en rappel le mardi. C'est toujours l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et maintenant, on parle cybercrime. Les nouvelles qui ont marqué tout ce qu'il y a de croche en technologie cette semaine, les choses illégales, les choses juste pas correctes. On commence par Jeremy Adam, un Montréalais accusé d'avoir piraté deux films et de les avoir offerts gratuitement sur Internet. Il s'est pas présenté au tribunal mercredi dernier. Un mandat d'amené a été émis contre lui. L'homme de 25 ans devait se présenter en cour à Montréal pour sa mise en accusation. Une vingtaine de partisans ont manifesté devant le tribunal pour dénoncer les accusations qu'il qualifie d'injustes. C'est la première fois que la Gendarmerie royale du Canada invoque la loi sur le droit d'auteur pour combattre la distribution alléguée, de films piratés sur Internet. Jeremy Adam est accusé d'avoir délibérément distribué du matériel protégé par le droit d'auteur. Le juge dans cette cause a émis un mandat d'arrêt permettant à la police d'interpeller l'homme et de le relâcher contre une promesse de comparaître. Le célèbre site d'échange de Torrents s'est vu attaqué en justice par son pays natal. Les charges retenues contre le célèbre site index de fichiers Torrent sont la facilitation de la violation des droits d'auteur par autrui. Autrement dit, Pirate Bay est un site tracker qui recense les fichiers Torrent offerts sur Internet. Les personnes désirant télécharger un de ces fichiers peuvent se rendre sur ce site et, à l'aide d'une simple recherche, entreprendre le téléchargement du fichier voulu. Le problème réside dans le fait que bon nombre de fichiers auxquels The Pirate Bay facilite l'accès sont du contenu illégal. Hans-Friedrich Nietzsche, Per Svaltorm Varg, Peter Kolmisepi et Karl Lundstrom risquent donc une peine d'un an de prison. On se souviendra, dit l'article de branchez-vous.com, que le célèbre site d'origine suédoise avait dû déménager quelque temps aux Pays-Bas à la suite d'un raid policier dans ses locaux à Stockholm. Son séjour au pays de la tulipe aura été de courte durée, car après seulement quelques semaines d'exil, il est retourné en Suède à la suite de pression de la justice. Les propriétaires du site, dans leur blog, affirment être sûrs de gagner cette poursuite et qu'une défaite, si peu probable soit-elle, n'entraînerait pas la fermeture de The Pirate Bay. Un suprémaciste blanc de Colombie-Britannique vient d'être condamné à la prison pour avoir diffusé du contenu raciste sur Internet, selon l'agence France Presse. Selon le juge de la Cour supérieure de Colombie-Britannique, Keith Francis William Noble a volontairement fait la promotion sur Internet de la haine contre plusieurs groupes ethniques, sociaux ou culturels, notamment contre les Noirs, les Juifs et les Gays. L'homme de 31 ans a été condamné à une peine d'emprisonnement de 4 mois, en plus de ne pas pouvoir, faire qu'un usage très limité de son ordinateur pour les 3 prochaines années. A indiqué la police. La décision de la Cour suprême d'envoyer Noble en prison, qui survient plusieurs mois après son procès, est plutôt rare dans le cas des crimes haineux sur Internet. Environ 6 autres Canadiens auraient fait de la prison pour des délits similaires. Les policiers auraient été alertés des activités illégales de Noble sur le web par le centre Simon Wiesenthal, une organisation internationale qui lutte pour les droits de l'homme. Et je cite, « Le contenu diffusé sur le web par Noble dépassait clairement les limites de ce qui est acceptable. » C'est ce qu'a commenté un porte-parole de la police. De son côté, le centre Simon Wiesenthal a indiqué que l'emprisonnement de Noble est une bonne nouvelle car il y a trop d'abus de la liberté d'expression sur Internet. C'est ce qu'ils ont dit. Et finalement, l'Associated Press rapporte la détention par la junte birmane de Ne Phon Lat, un blogueur disparu depuis le 29 janvier dernier. L'arrestation du blogueur fait suite à un resserrement de la surveillance de l'Internet par la junte militaire birmane qui tente de fermer les sites web jugés subversifs. L'organisme Reporters sans frontières souligne que les contrôles se sont multipliés depuis le début de l'année. Ainsi, les propriétaires de cybercafés sont tenus de stocker les informations personnelles des internautes et doivent de plus programmer une saisie d'écran de leur ordinateur toutes les 5 minutes. Les blogueurs ont joué un rôle crucial lors des manifestations antigouvernementales de l'année dernière en faisant état des violences grâce à des nouvelles, des photos et des vidéos. Depuis le 23 janvier dernier, Blogger, le seul éditeur de blog qui était encore accessible au Myanmar, a été bloqué par le régime militaire. Rappelons qu'en septembre dernier, des moines bouddhistes avaient mené une vague de protestations anti-gouvernementales qui s'est soldée par 1000 arrestations et la mort d'au moins 30 personnes. Le blog de Ne Phon Lat était toujours accessible à l'extérieur du Myanmar et les internautes pouvaient encore y laisser des commentaires. Le site, c'est le nephonlat.net. Je vais vous laisser aller chercher le lien sur le www.unechance.com. C'est le site de la connexion www.unechance.com. L'article s'appelle « Un blogueur détenu au Myanmar ». Là, qui fait le tour du bloc cybercrime, les nouvelles qui ont marqué le monde de tout ce qui est croche en technologie cette semaine. Maintenant, parlant de choses croches, certains gens ne veulent pas jouer à un jeu vidéo de façon honnête et doivent tricher chercher des façons de contourner les bouts qu'ils ne sont pas capables de faire. C'est ce qu'on appelle le top 10 des jeux les plus trichés sur GameFAQs.com. En 5e, on retrouve Pokémon Diamond sur la DS. En 4e, c'est Final Fantasy XII sur la PS2. En 3e, COD 4 Modern Warfare sur la 360. En 2e, Devil May Cry 4 sur la PlayStation 3. Et en première place, le même jeu, Devil May Cry 4 sur la Xbox 360. Et voici Johnny Hollow et Super Hero à l'émission la plus rapide au monde. La connexion à CFOU 89.1 FM dans vos oreilles. On parle des nouveautés en magasin. On va aussi parler de This is Vegas, Boom Blocks. Et il y a quelques nouvelles de Duke Nukem 3D. C'est dans le bloc bientôt sur vos écrans. À la connexion, dans deux minutes. Bonjour, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Nous reste, oui, une bonne heure et demie ensemble à parler de choses qui vous intéressent, de choses qui vous importent le plus à vitesse grand V. D'ailleurs, on va parler de grand V tantôt, l'Internet très grande vitesse de Vidéotron plus tard. Mais avant, voici une pièce d'El Motor. El Motor. El Motor. Oui, ça s'appelle De Adel Cesco. Et c'est sur le palmarès francophone de C'est Fou. Au 89 FM. Motor et D.A.D.L. Cesso de l'album éponyme. C'est très, très bon et c'est sur les palmarès de C'est fou cette semaine. Maintenant, voici les nouveautés en magasin et bientôt sur vos écrans. Oui, à la connexion, l'émission qui parle de technologie d'informatique et de jeux vidéo. On commence par les nouveautés en magasin. Selon ArtGamers.com, février s'amorce et les grosses sorties commencent à pointer leur nez. Sur multiplateforme, on retrouve The Spiderwick Chronicles sur la DS, PC, PS2 et Xbox 360. On retrouve aussi Turok sur PC, PS3 et Xbox 360. Devil May Cry 4 sur la PS3 et la 360. Karaoke Revolution Presents American Idol Encore sur PS2 et Wii. Et finalement, My Horse and Me sur DS et la Wii. Et mon cheval et moi. Sur DS maintenant, Poppy Palace, Omi Rollers, Real Soccer 2008, Paws and Claws Pet Resort, Zoo Tycoon 2, DS, et puis Assassin's Creed Altair's Chronicles. Sur PC, Sins of a Solar Empire, First Battalion Gold Edition, Medieval 2 Total War Gold Pack, 20 Questions, Merv Griffin's Crosswords, oh, c'est un beau jeu de mots croisés, Space Force Captains, et puis finalement Carrier Strike Force. Sur PlayStation 2, World Championship Cards, Nobunaga's Ambition Rise to Power, Sea Monsters, A Prehistoric Adventure et Twisted Metal Add-on Extra Twisted Edition. Sur PSP, on retrouve Downstream Panic et finalement sur Xbox 360, le jeu Coldcept Saga. Après une toute petite semaine avec un seul jeu la semaine dernière, Nintendo propose un duo de titres pour son Super Virtual Console, sa console virtuelle sur la Wii. Donc on parle de Operation Golf et puis de Collins 3 Revenge of Collins. Dans Operation Wolf, ça vous permet de diriger l'équipe tactique alors que vous devrez démanteler un réseau terroriste se réfugiant dans la jungle. Et puis pour Collins 3, à l'instar des deux opus précédents de la franchise, il faut combiner des blocs horizontalement, verticalement ou à la diagonale afin de les éliminer. Burnout 3 ne sera pas le dernier Xbox Original comme on le pensait le mois dernier. En effet, Microsoft a annoncé qu'elle va ajouter 3 jeux originaux de la Xbox sur Xbox Live dès le 11 février. En plus du jeu de tir à la première personne Black, vous y retrouverez le jeu d'action Ninja Gaiden Black ainsi que le jeu de stratégie Sid Meier's Pirates. Chacun de ces titres se vendra pour 1200 points Microsoft. The Hollywood Reporter a appris que les romans du célèbre auteur James Patterson seront transportés vers le monde du jeu vidéo. L'auteur a révélé au site qu'il compte faire connaître ses œuvres à un nouveau public par l'entremise des jeux vidéo d'aventure occasionnelle. Le premier de ces jeux est prévu pour la fin du mois de mai et ça va être une adaptation de la série Women's Murder Club qui connaît aussi beaucoup de succès à la télé sur la chaîne ABC et qui a été aussi un succès en librairie. Le jeu mettra de l'avant une enquête originale où vous aurez à élucider le mystère entourant un homicide en trouvant des preuves bien dissimulées. Au total, 40 pièces remplies de casse-tête et d'énigmes devraient être présentées au sein du jeu. Si ce dernier est un succès, d'autres titres lui feront suite. Fait intéressant à noter, dit l'article de Hardgamers.com, Women's Murder Club va bénéficier de l'expertise de Jane Jensen, connue comme étant la mère des jeux d'aventure modernes. Jensen a notamment travaillé chez Sierra, où elle a conçu les jeux de la populaire franchise Gabriel Knight. Elle est aujourd'hui la cofondatrice de Oberon Media, un développeur et distributeur de jeux occasionnels ayant créé 2 jeux basés sur les romans d'Agatha Christie. IGN a obtenu des informations exclusives au sujet du prochain titre du studio Surreal Software, bien connu pour avoir développé les 2 jeux de la série The Suffering, le jeu The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring et les jeux de la franchise Drakan. Ainsi, le prochain titre du studio se nommera tout simplement This is Vegas et vous encouragera à commettre tous les péchés de la ville qui ne dort jamais. Le jeu va se situer dans un contexte fictif alors qu'un mégalomane au portefeuille très bien garni tente de transformer Las Vegas en ville davantage axée sur la famille plutôt que sur le jeu. La seule façon de contrer cette menace sera de commettre divers crimes et péchés. Parmi ceux-ci, on peut noter les combats à main nue, les paris, les fusillades et les courses en voiture de luxe. À noter que cette mise en scène plutôt légère est tout à fait voulue par Surreal, le studio désirant ironiser tout ce qui entoure Las Vegas. Le jeu des Six Vegas devrait être lancé cet automne sur Xbox 360, PlayStation 3 et sur PC. Après de nombreuses spéculations, nous connaissons finalement l'identité du premier jeu qui va être le fruit d'une collaboration entre Electronic Arts et Steven Spielberg. On en parlait il y a quelques semaines. En effet, la firme a annoncé le développement du jeu Boom Blocks pour la Wii, premier pas de Spielberg dans l'industrie du jeu vidéo. Développé par EALA, Boom Blocks sera un jeu d'action et de casse-tête proposant plus de 300 niveaux à travers lesquels vous aurez à compléter une variété d'activités. En plus de pouvoir interagir avec une plénitude de personnages, le jeu vous permettra de remanier chaque niveau qu'il mettra de l'avant à l'aide d'un éditeur facile à utiliser. D'ailleurs, vous allez pouvoir échanger en ligne tout niveau que vous aurez créé avec d'autres joueurs afin de compléter des casse-têtes issus de l'imagination d'amateurs du jeu à travers le monde. Le tout va être accompagné de modes multijoueurs supportant 4 joueurs chacun. Boom Blocks sera lancé lors du mois de mai. Les rumeurs se sont avérées vraies. Le jeu Duke Nukem 3D fera bel et bien son apparition sur le service Xbox Live Arcade cette année. Cette rumeur datant de l'été dernier a été confirmée par Scott Miller, le président de 3D Realms. La version Xbox Live Arcade de ce jeu datant de 1996 comprendra non seulement la campagne solo de ce dernier, mais aussi un mode coopératif, des modes compétitifs en ligne, des tableaux des meilleurs joueurs et des succès à débloquer. Il est encore impossible de dire à quel moment précis sera lancé Duke Nukem 3D sur Xbox Live Arcade. Pendant la conférence téléphonique de Electronic Arts, le CEO John Ricciatiello, a confirmé qu'une version Wii de Rock Band était en préparation. Il a aussi ajouté que les versions 360, PlayStation 3 et PS2 seront lancées en Europe entre le 1er et le 30 juin. Et je cite, « Ce qui est le plus intéressant pour l'instant est le lancement à venir de Rock Band sur la Wii, les ventes continuent des autres versions en Amérique du Nord, puis la sortie du jeu en Europe. » Donc, bonne nouvelle. Donc, fait le tour des jeux qui s'en viennent sur vos écrans un jour. Avant de continuer l'émission et de passer en musique, voici les jeux et les consoles les plus vendus au Japon la semaine dernière selon la société Media Create. On va faire toutes les consoles cette fois-ci parce qu'il n'y en a que 6. La Xbox 360 est en 6e avec 4000, presque 300 ventes. En 5e, la PS2 avec 11 300. En 4e, la PlayStation 3 avec 34 300. En 3e, la Nintendo Wii avec 75 500. Sur la 2e place, on retrouve la PSP avec presque 78 000 ventes. Et finalement, la console la plus vendue encore et toujours avec presque 80 000 ventes pour un total de presque 21 millions 700 000, c'est la Nintendo DS Lite. Voici Surrender de Mad Catz à la connexion à C'est Fou 89.fr. You have something like a free ride. Comfort is your state of mind. But there's a certain something inside that doesn't like to be denied. A broken torch. Doesn't ever really matter if you're a winner or a loser. We're stopping rich getting fatter. Are you a winner or a loser? You never really had to suffer or thought of stealing for your supper. But hunger, it just makes you tougher. When desperation is your master, you live a life of ease and shelter. With pockets full and hands so tender, you'll never have to help the skelter. Or does it ever really matter if you're a winner? Laisse t'aller, y'a pas ma piste de damn get up. Laisse t'aller, j'passe pas mal de temps en chop. Laisse t'aller, ma vie est pris une drop. Laisse t'aller, ça va mal la shop. Laisse t'aller, y'a pas ma piste de damn get up. Laisse t'aller, j'passe pas mal de temps en chop. Laisse t'aller, ma vie est pris une drop. Hey le gros, t'aurais pas de code de pièces à me passer. J't'en mange coucou, j'suis même pas capable de payer le loyer. Il me reste plus une maudite scène jusqu'à la fin du mois. Tu sais comme moi c'est le chômage, j'vois pas chez loin que ça. J'aurais dû bounce, j'dois t'aller vendre. Pour mon moment, faut bien survivre en attendant que chaque round. Faut que j'bois de la bière, que j'chante un peu, que j'm'alimente. Que j'fume une coupe de pas de weed pour arriver en détente. Que la chance fasse ton existence change. En attendant que la chance fasse ton existence change. Ça va attendre, si je rallonge, j'y vais comprendre. Alors on se bat, je trouve 430. J'pense que j'avais d'un poignet beige, pis me mettre avant. J'ai guéri de faire le part de check et car j'en vais chercher par tout le monde, partout, tous les bars. Tous des jeunes que de mille, on l'a théâtre. Et finalement, j'ai pas de mots de seul qui m'a don. Laisse t'aller, ça va mal la shop. Laisse t'aller, y'a pas ma piste de damn get up. Laisse t'aller, j'pense pas mal de temps en job. Laisse t'aller, ma vie a pris une drop. Destala, ça va mal la shop. Destala, y'a pas ma piste de down, get up. Destala, j'passe pas mal de temps par shop. Destala, ma vie est pleine. En ce moment, j'aime en bas de la pente. Quand ça sonne à porte, check par la fange. J'm'attends ce que les chalocs. Personne descend, que le propriétaire défonce. Des pirates, le menace de faire couper les drapes. Moi, j'ai au rock mount. J'ai plus combien de chèques en blanc. Y'a rebondi sa bande. Les huissiers peuvent saisir. Y'a rien à prendre. J'veux juste qu'on m'aide un peu. Que j'puisse me reprendre. Tu m'as pas oublié là? J'ai pas ton cash là, mais faudrait que tu me rappelles. Demain? One demain. Essayez de faire ta place à Montréal, pas de cash. C'est comme péter le 120 en moto, pas de cash. T'as ton vieux linge, prends un tonon, mais non, pas de cash. Ça parle de toi sur internet dans tous les podcasts. Wow, si tu pensais partir dans ceux de cette année, j'pense pas que casser ton cochon c'est assez. Oublie pas que l'argent tu me dois, c'est à moi. Amène-moi les ch'tanés. Gatineau et Pawn Shop sur le palmarès francophone de C'est fou. Maintenant, avant de terminer la première heure, parlons en bref de quelques nouvelles de jeux vidéo. Après avoir réaffirmé récemment par l'intermédiaire de Kaz Hirai que l'objectif de vendre 11 millions de PS3 avant la fin de l'année fiscale 2007 était à sa portée, Sony vient de faire machine arrière. La firme a revu son chiffre à la baisse et vient d'annoncer qu'elle visait un score de 9,5 millions de PS3 avant la fin du mois de mars. Mais par contre, les ventes de la PSP, elles, ont été revues à la hausse. Ils passent de 10 à 13 millions de ventes prévues pour l'année. Sony va commercialiser, en parlant d'eux, à partir du 19 mars au Japon, un nouveau battery pack destiné à améliorer l'autonomie des nouveaux modèles de PSP Slim and Light. Il s'agit de l'équivalent pour les séries PSP 2000 de la batterie 2200 mAh, vendue depuis octobre 2005 pour les premières séries de consoles. Le constructeur annonce entre 7 et 11 heures d'autonomie en mode jeu et de 7 à 9 heures pour la lecture de vidéos. La taille de la batterie dépassant de la coque une fois insérée, Sony va offrir en plus un cache plus bon pour camoufler la bosse. Trois coloris sont prévus, Piano Black, Ceramic White et Ice Silver, pour se conformer aux différents modèles de base, ce qui signifie que les PSP exotiques vont devoir composer avec ces trois choix. Prix de vente annoncé, 5500 yens. On parle de 35 euros dans l'article, ça doit être autour d'une trentaine de dollars, quarantaine de dollars. Je connais pas vraiment ça. Je cherche MAH en même temps pour pouvoir au moins vous dire ce que c'est à la place de dire n'importe quoi. MAH, je ne le trouve pas. Ça a rapport avec les ampères, je crois. Je m'enfonce littéralement. Donc, ensuite, jamais à court d'idée dès qu'il s'agit de vendre sa DS par camion, Nintendo of America vient d'officialiser la production d'un nouveau modèle de sa console portable Nintendo DS. Donc, ça s'appelle la DS Cobalt Black. Et ça va arborer, bon, comme son nom l'indique, une robe d'un bleu profond et sera commercialisée à partir du 10 février aux États-Unis. Aucune information concernant son arrivée en Europe, dit l'article de GameCult.com. David Perry, l'ex-boss de Shiny Entertainment, créateur talentueux et déjanté de titres comme Earthworm Jim, MDK, Sacrifice ou Messiah, vient d'être nommé membre honoraire de l'Université royale de Belfast et décoré aux côtés de personnalités aussi prestigieuses que Tony Blair et Joanna Lumley. David Perry a grandi en Irlande du Nord et effectué une partie de ses études à Belfast. L'université va lui remettre prochainement un diplôme en ingénierie scientifique pour son apport au domaine du jeu vidéo. David Perry travaille actuellement sur un projet de jeu massivement multijoueur en ligne, top secret. Et tiens, finalement, THQ organise une opération plutôt originale pour son jeu Zoo Tycoon 2DS dont on parlait tantôt dans les sorties en magasin. L'éditeur s'est associé pour l'occasion à une trentaine de parcs animaliers qui, sur présentation du feuillet trouvé dans la boîte du jeu, offriront une entrée pour le zoo. Plutôt que retaper intégralement les noms sur l'article de jeuxvideo.com, il faut aller consulter l'image qui est sur le site et je vais vous la lire un petit peu. La date de sortie se précise. Ça, c'est bon. Je crois que ça a rapport avec l'Europe. Ouais, c'est ça. C'est en Europe, mais je trouve que c'était quand même une bonne idée. Donc, voilà. Et finalement, les jeux les plus vendus au Japon la semaine dernière. Là, en cinquième position, on retrouve Wii Sports sur la Wii. En quatrième, c'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques sur la DS. En troisième, Lucky Star sur la PS2. En deuxième, c'est Winning Eleven 2008 sur la PSP. Et le jeu le plus vendu au Japon, c'est Wii Fit sur la Nintendo Wii. On retourne à quelque chose que je connais un petit peu mieux que certaines des choses que j'ai mentionnées dans le dernier bloc, qui est d'avoir l'air fou, ça arrive de temps en temps. On s'en va entendre la série en concert et on continue cette série qui s'appelle Final Fantasy VII Voices of the Life Stream and Overclocked Remix. Ça, c'est une collection de 45 pièces différentes que les gens ont créées pour rendre hommage à la série Final Fantasy. C'est un album qui passe de style à l'autre, du jazz au techno, du rock au classique. Vous pouvez télécharger les CD et les pochettes, vous les imprimer et savourer cette très belle série. Voici la pièce numéro... On est rendu à quel numéro ici? On est rendu à la numéro 9. C'est l'artiste Zircon et voici Nomura Limit Fight On à la collection. À C'est Fou 89 FM.

Les artistes Sexto Sounds et Surcon. Avec la pièce Lunatic Moon, basée sur les pièces Red 13 Theme et Cosmo Canyon de Final Fantasy VII. C'est bien la collection Final Fantasy VII Voices of the Livestream and Overclock Remix Album. Vous pouvez aller sur le ff7.ocremix.org pour télécharger les quatre albums et la pochette et vous faire un beau petit CD, là, un beau petit cadeau à vous-même, de vous-même. Donc, les CD s'appellent Crisis, Dirge, Advent et Order. Je rappelle l'adresse ff7.ocremix.org ou passez par le site de l'émission au www.unechance.com. Maintenant, c'est le fil informatique. Parlons des nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs cette semaine. Microsoft annonçait en début de semaine dernière le passage en RTM, c'est-à-dire la finalisation de deux de ses développements majeurs, à savoir le Service Pack 1 de Windows Vista et Windows Server 2008. Alors que Windows Server 2008 a été mis immédiatement à disposition des clients MSDN ou TechNet, ça c'est des gens très privilégiés, sous forme de téléchargement, le Service Pack 1 de Windows Vista n'est lui toujours pas disponible par ses canaux. Microsoft indique en effet qu'il démarrera la diffusion publique du Service Pack 1 de Windows Vista avec, pour commencer, 5 langues, dont le français, à la mi-mars sur Windows Update. Les abonnés privilégiés de MSDN et de TechNet auraient toutefois accès au Service Pack 1 dès le début du mois de mars. Donc, pourquoi un mois de délai entre la finalisation du Service Pack 1 et sa mise en ligne? Apparemment, selon Clubic.com, l'article, Microsoft aurait identifié un problème de dernière minute avec certains pilotes. Ce problème ne toucherait pas l'architecture du système ou les pilotes en eux-mêmes, mais serait lié au processus d'installation ou de désinstallation des pilotes. Microsoft aurait donc décidé de retarder la disponibilité du Service Pack 1 afin que ses partenaires, les fabricants de matériel, puissent mettre à jour leurs pilotes afin que ceux-ci s'installent sans problème. Et Microsoft a ajouté que le module Windows Update de Vista ne proposera pas l'installation du Service Pack 1 sur les systèmes où sont repérés des pilotes connus comme étant problématiques. Donc voilà quelque chose de bien étrange selon l'article. Microsoft a-t-il pris un risque en finalisant un Service Pack 1 qui posait des problèmes de stabilité? Le risque est-il calculé? Le risque est-il calculé et sous contrôle? Le géant de Redmond aurait-il dû attendre le mois de mars pour finaliser son Service Pack 1? L'avenir devrait nous en dire plus. Le Service Pack 1, c'est une collection de patchs pour Windows Vista. Donc, à la place de faire 1 million de mises à jour via Windows Update, vous avez un pack complet qui intègre tout ça d'un coup sec. Voilà. Parlons de Google un peu. Les trois principaux cadres de Google ont promis de travailler ensemble pendant 20 ans dans un pacte qu'ils ont fait un mois avant que leur compagnie n'entre en bourse en août 2004, selon un article de la revue Fortune. Les cofondateurs de Google, Larry Page, Sergey Brin, ainsi que le PDG d'entreprise, Eric Schmidt, ont affirmé dans une entrevue commune pour l'édition du 4 février de Fortune avoir fait ce pacte un mois avant d'entrer en bourse. Et je cite « Pour combien de temps nous sommes-nous mis d'accord pour travailler ensemble, messieurs ?» a demandé Schmidt à ses acolytes, alors que le journaliste de Fortune leur demandait s'ils passeraient le reste de leur carrière chez Google. 20 ans, a répondu Sergey Brin. À la fin du pacte, le président-directeur général Eric Schmidt aura 69 ans, le président des produits Larry Page aura 51 ans et le président de la technologie Sergey Brin aura quant à lui 50 ans. Selon les analystes interrogés par le réseau Bloomberg, les profits du moteur de recherche pour le dernier trimestre de 2007 pourraient atteindre les 1,25 milliards de dollars, une hausse de 21% par rapport à l'an dernier. Si vous voulez aller lire l'entrevue de Fortune passée par l'article Brin, Page et Schmidt à la barre de Google pendant 20 ans sur le site de la collection au www.unechance.com. Ça va vite dans le monde des circuits intégrés, dit l'article de Canoë.com. Très vite. Autre preuve, la compagnie Intel va annoncer cette semaine l'arrivée cette année d'un microprocesseur comportant plus de 2 milliards de transistors. Cette nouvelle puce sera connue sous le nom de Tukwila. Elle est destinée aux serveurs et non pas aux ordinateurs personnels. Cela dit, sa vitesse est semblable à celle des puces qui équipent les PC, soit de 2 GHz. Il s'agit donc d'un autre record qui vient de tomber dans le monde de la haute technologie. La première fois qu'un microprocesseur a compté plus d'un milliard de transistors fut en 2006, ce qui prouve encore une fois la justesse de la loi de Moore, hein, la célèbre loi de Moore. Il y a plus de 30 ans, Gordon Moore, l'un des fondateurs d'Intel, s'est rendu compte que le nombre de transistors sur un microprocesseur doublait tous les 2 ans. Son affirmation était soutenue par ses observations au cours des 10 années précédentes. Or, depuis 1975, cette prédiction de Moore s'est révélée exacte presque tout le temps. Entre 1971 et 2001, la densité des transistors sur un microprocesseur a doublé tous les 2 ans. C'est ce qui a permis à l'industrie de l'informatique d'offrir des ordinateurs de plus en plus performants à des prix de plus en plus bas. L'automne dernier, Gordon Moore a dit que sa prédiction sur les transistors ne serait plus valide dans 10 à 15 ans, on en a parlé ici à la collection, et qu'à partir de ce moment, l'industrie devra trouver de nouvelles méthodes de fabrication complètement différentes. À son avis, il y a des limites physiques à réduire les choses. Rendu à un certain stade, il n'est plus possible de miniaturiser, même en changeant les processus ou les composés. C'est ce que les scientifiques appellent « frapper un mur ». Pour vous donner une idée, le tout premier processeur d'Intel a été produit au début des années 70. On y retrouvait 2300 transistors. En 95, le Pentium Pro contenait 5,5 millions de transistors. Et de nos jours, dans la famille des Core 2 Quad, on retrouve près de 600 millions de transistors. Retour sur une nouvelle dont on parlait la semaine dernière. Les travaux de réparation ont commencé sur l'un des trois câbles sous-marins brisés la semaine dernière, justement, reliant le Moyen-Orient et l'Asie à Internet. Les connexions à Internet ont été perturbées lorsque des segments de deux câbles internationaux ont été rompus au large des côtes de l'Égypte, affectant ainsi les connexions de la région du Golfe Persique et de l'Asie du Sud. Un troisième câble sous-marin, le câble Falcon, s'est également brisé au large des Émirats Arabes Unis vendredi dernier. Les réparations seraient déjà commencées sur ce dernier par un bateau de la compagnie indienne Flag Telecom. Je rappelle aux gens qui nous écoutent comme ça, si vous écoutez la rediffusion du mardi, là, j'ai ça quand j'écoute la rediffusion et que les dates sont pas les bonnes, là, l'article date du mardi 5 février, c'était le vendredi précédent. Selon Flag Telecom, un deuxième bateau devrait bientôt atteindre le câble Europe-Asie de Flag au large de l'Égypte. De l'Égypte, oui. L'un des deux autres ayant été brisé la semaine dernière. Si pour le moment, Internet ne fonctionne qu'à 50% de sa capacité en Égypte, je rappelle que l'article date de mardi 5 février, la plupart des fournisseurs indiens ont réussi pour leur part à atténuer les effets de la perte des câbles en détournant le trafic Internet. En Égypte et en Inde, les services Internet devraient revenir à la normale d'ici une dizaine de jours. Plus de 95% des télécommunications transocéaniques et des transferts de données se font par câble sous-marin. Vidéotron a présenté sa nouvelle offre TGV 30 et son offre TGV 50, deux nouveaux forfaits qui augmentent de façon importante la vitesse en ligne, mais qui poursuit une approche très conservatrice en matière de consommation d'octets en aval ou en amont, rapporte Radio-Canada. Le forfait TGV 30 permet d'atteindre des vitesses de 30 MB par seconde en aval au coût de 65$ par mois, avec une limite de 30 gigaoctets combinés. L'autre forfait, le TGV 50, permet d'atteindre des vitesses de 50 MB par seconde en aval. Aval, c'est download, téléchargement, au coût de 80$ par mois avec une limite de 50 gigs combinés. Pour assurer un déploiement en toute quiétude, les deux services vont d'abord être offerts à Laval et par la suite sur l'ensemble du réseau de l'entreprise. Et en prime, le nouveau modem est offert gratuitement aux abonnés qui passeront à la très grande vitesse. Chez Vidéotron, on dit que ces deux nouveaux forfaits sont conçus pour les résidences où plusieurs internautes utilisent un même abonnement dans un contexte de réseau sans fil. Mais pour les gros utilisateurs de bandes passantes, le forfait haute vitesse extrême demeure la solution la plus avantageuse chez Vidéotron avec un quota d'utilisation mensuel limité à 100 gigaoctets combinés. Vendredi, Radio-Canada dit, Bruno Guglielminetti, l'auteur de cet article, proposant une entrevue avec Manon Brouillette, vice-présidente de marketing chez Vidéotron. Donc, c'est à l'affiche demain sur radiocanada.ca/techno. Et une nouvelle qui touche la région, la ville, les trifluviens qui y habitent ou travaillent ou encore les visiteurs qui se rendent au centre-ville de Trois-Rivières ont maintenant accès gratuitement à un réseau de 5 bornes sans fil reliées à Internet. Excellente nouvelle, le service est opéré par Télécommunications Zitel. Bonjour à vous, Zitel. Qui sont un petit peu partenaires avec C'est fou, mais bon. En collaboration avec la Ville de Trois-Rivières, la Société de développement économique de Trois-Rivières et la Société de développement commercial de la Ville. Excellente initiative, on attendait que ça. On entend toujours parler à chaque semaine, on revient sur le sujet. Là, il y a du Wi-Fi à Ottawa, il y a du Wi-Fi à Manitoba, il y en a partout. J'invente des villes au hasard, mais Trois-Rivières, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les gens qui vont au centre-ville. Les Giants ont créé la surprise en l'emportant sur les Patriots, vous êtes au courant, mais une autre bataille s'est déroulée en marge du match pendant les pauses publicitaires, dit branchez-vous.com. Dimanche dernier, 97,5 millions d'Américains étaient rivés devant leur écran pour regarder la retransmission du 42e Super Bowl qui opposait les Giants de New York aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Une manne pour les annonceurs de tout acabit qui ont dû débourser 2,7 millions de dollars pour 30 secondes de diffusion. Dès le lendemain de l'événement sportif, les spots publicitaires se retrouvent sur la toile et alimentent les discussions tout autant que la défaite des Patriots. AOL Sports, qui a mis en ligne les 52 commerciaux diffusés, a également invité ses visiteurs à voter pour la meilleure pub de la soirée. Budweiser, Bridgestone et Coca-Cola occupent les trois premiers rangs. La communauté en ligne et Nielsen, de son côté, a aussi invité ses membres à se prononcer sur les vainqueurs de la soirée. 73% des répondants ont élu le cheval et le dalmatien de Budweiser et 42% ont élu grand perdant la publicité animée de SalesGenie.com. D'autre part, Business Week commente sur son site 17 des commerciaux présentés dimanche. Au Québec, le magazine Infopresse propose à partir, à partir du 5 février, c'est déjà passé, sa sélection, soulignant qu'encore cette année, l'humour fait marquer des points aux principaux annonceurs. Si vous voulez voir les publicités du Super Bowl, oui. Rendez-vous sur le site de l'émission au www.unechance.com. Et si je regarde un petit peu, je crois que YouTube a aussi les publicités du Super Bowl en quelque part. Il faudrait que je cherche et que je mette le lien sur le site pour vous. Hein? Ce serait tellement gentil de ma part. Ensuite, la maison de recherche Ipsos Décari propose dans la dernière édition du bulletin Infopresse un palmarès des sites les plus consultés par les internautes à la recherche de cartes de souhait virtuelles. Une excellente idée, évidemment, à quelques jours de la Saint-Valentin. Donc, voici dans l'ordre les sites les plus appréciés selon les 1383 adultes québécois interviewés sur le sujet. Chez Maya, décroche la première place avec 37% des répondants qui disent aller sur ce site d'abord. Le site Dromadaire obtient la seconde place avec 16%. Et le portail Sympatico MSN vient au troisième rang des expéditeurs de cartes virtuelles avec 13% des répondants. Yahoo et Hallmark sont à égalité avec 8% des répondants qui disent apprécier leur site pour aider les chez la carte. L'article vient aussi de radiocanada.ca. Donc, allez voir chez Maya.com ou dromadaire.com ou sympatico.ca ou carte.sympatico.ca. Yahoo, c'est yahoo.ca et Hallmark, c'est hallmark.com. Voilà, si ça vous intéresse d'envoyer des cartes de Saint-Valentin par Internet. Regarde un petit peu les mots-clés les plus populaires en ce moment même sur Google Trends. C'est en date du 7 février en direct. Ça a été mis à jour il y a 15 minutes de ça. Je regarde un petit peu le tableau et je vois un thème très, très récurrent. En première, on retrouve Nouvel An chinois, d'accord? En 10e, Zodiac chinois. En 15e, l'année du rat. En 17e, calendrier chinois. En 33, astrologie chinois. En 37e, l'année du singe. En 43e, l'année du cochon. En 46e, l'horoscope chinois. 51e, l'année du cheval. En 81e, l'année du dragon. 84e, signe chinois. Est-ce qu'on voit un petit pattern? 92e, l'année du serpent. Donc ça fait à peu près un portrait du tableau. Il y a aussi le lancement de la fusée en 4e. En 27e, il y a NASA TV. Hein, pourquoi pas? Miss Nevada est en 35e. Et puis finalement, des feux sur le Upper East Side en 79e position. Ça, c'est les mots-clés les plus recherchés en ce moment sur Google. Alors qu'au Québec, la semaine dernière, les mots-clés les plus recherchés, en 5e, on retrouvait les packs. Ça descendait. En 4e, ça montait avec Météo-Média. En 3e, ça descendait avec Hotmail. En 2e, ça montait avec l'Auto-Québec. Et le grand numéro 1, n'est-ce pas incroyable? C'est toujours la même affaire. C'est vraiment répétitif, là. C'est stable, en plus. C'est horoscope. Oui. Nous, on continue la série en concert. Et tout de suite, voici Tefnek et Motor Crazy Cycle. Crazy Motorcycle. De la collection Final Fantasy VII, Voices of the Lightstream. À la collection! Assez fou, 89 ans. Sixto Sounds et Zircon. Avec la pièce Lunatic Moon, la 12e partie de la série Final Fantasy VII Voices of the Life Stream. Avant de passer en pause, voici le quiz musical de la semaine. Nommez ce jeu qui joue derrière moi, la réponse au retour à la connexion à C'est Fou 89.fm. Demandez de nommer le jeu qui joue derrière moi. La réponse dans quelques secondes. La réponse, Banjo-Kazooie sur la Nintendo 64. Dot. Bon retour sur la dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Dans cette dernière demi-heure, on va parler de technologie avec quelques nouvelles sur le iPod. On va aussi parler un peu, là, parce que vous en avez peut-être assez entendu parler, de Windows et Yahoo, l'association là de l'enfer. Mais avant, voici une superbe pièce de Shane Phillip. Good morning, ça passait à du Viagra. C'est bon matin, bon matin. Hey, get up! I've been awake for 5 a.m. So get up now and start. It feels so good to wake up in the morning, catch the sun on the rise, take a walk along the shore, let your senses come alive. Good morning. pourrait facilement être le thème d'une émission américaine à la Salut Bonjour. Good morning de Shane Philippe. L'album s'appelle In the Moment. C'est l'heure du fil technologique. Parlons des nouvelles qui ont marqué le monde. Tout ce qui n'est pas les ordinateurs ni les jeux vidéo, mais qui tombe dans le domaine de la technologie. Le nombre d'utilisateurs de téléphones cellulaires surpassera le nombre de non-utilisateurs pour la première fois cette année, selon l'Agence des Nations Unies. Les niveaux d'utilisation dans les pays en voie de développement connaissent la croissance la plus rapide, avec le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine ayant généré à eux seuls 1 milliard de nouveaux abonnés l'an dernier, selon l'Union internationale des télécommunications. En 2000, seulement 12% de la population mondiale possédait un téléphone portable. Avec la croissance actuelle, la pénétration mondiale de la téléphonie portable devrait atteindre le 50% au début de 2008. Cela correspondrait à plus de 3,3 milliards d'abonnements à travers le monde. L'UIT affirme que ces données obtenues de fournisseurs de services de téléphonie cellulaire ne tiennent pas compte du fait que certains individus possèdent plus d'un téléphone, ni du fait que certains fournisseurs ont peut-être gonflé leurs chiffres. Par contre, souligne l'agence, certains abonnés, surtout dans les pays en voie de développement, partagent leur téléphone avec d'autres en répandant ainsi les avantages. Parlant de téléphones cellulaires, Apple a rehaussé ses produits iPhone et iPod Touch mardi, doublant la capacité de mémoire des appareils et fixant un nouveau prix pour ses modèles haut de gamme. Le tout nouveau iPhone offre 16 Go de mémoire et se détaille à 500$. Le modèle déjà sur le marché de 8 Go de libre de cellulaire, lecteur multimédia, navigateur Internet sans fil coûte 400$. Le nouveau iPod Touch propose une capacité de mémoire de 32 Go pour un prix de 500$. Les versions précédemment lancées de 16 et de 8 Go du iPod Touch, essentiellement un iPhone sans les capacités de téléphonie, là, se détaillent respectivement entre 400 et 300$. Les nouveaux appareils sont offerts aux boutiques en ligne et avec pignon sur rue d'Apple. Le nouveau iPhone est offert également par le biais des boutiques en ligne et physiques de AT&T. Apple a indiqué que tous les modèles de iPhone et de iPod Touch sont maintenant livrés avec la mise à jour logicielle annoncée en janvier. Le programme comprend une nouvelle application cartographique et permet le visionnement de films à partir du service de location de iTunes. Toujours au sujet du iPod, en mai dernier, une étude largement relayée dans les médias indiquait que les baladeurs iPod d'Apple étaient susceptibles de perturber le fonctionnement d'un simulateur cardiaque de type pacemaker si on l'en approchait trop près. On en parlait à la connexion d'ailleurs. De nouveaux travaux dont les résultats ont été publiés dans la revue en ligne Biomedical Engineering Online viennent maintenant réfuter cette première thèse. Chapeautée par le chercheur à l'US Food and Drug Administration, Howard Besson, cette nouvelle étude affirme donc qu'un iPod n'interfère en rien avec le fonctionnement d'un simulateur cardiaque. Ses auteurs expliquent avoir mesuré le champ magnétique émis par 4 modèles différents d'iPod, le 4G, le vidéo, le nano et le shuffle, ainsi que les variations de tension possiblement induites au niveau du pacemaker et n'avoir relevé aucune altération significative du fonctionnement de ce dernier. Le US Patent and Trademark Office a octroyé un brevet qui cause tout un émoi dans le monde mobile. On reste dans le même sujet. Le 22 janvier dernier, le Bureau de gestion des brevets états-unien a émis un brevet pour un dispositif mobile de communication et de divertissement. Il s'agit donc d'un brevet pour un téléphone mobile comportant une unité de stockage amovible dotée d'une connexion Internet et d'une caméra. L'appareil aura également la capacité de télécharger des fichiers audio et vidéo. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en communication mobile pour se rendre compte que ce brevet décrit environ 80% de tous les appareils mobiles sur le marché. Dibranchez-vous.com. Il en résulte qu'à minuit 2, la journée de l'octroi du brevet, la société détentrice a entrepris des actions en justice distinctes contre à peu près tous les fabricants, fournisseurs et autres intervenants importants du domaine. Apple, Nokia, RIM, Sprint, AT&T, HP, Motorola, Helio, HTC, Sony Ericsson, UT, Starcom, Samsung et beaucoup d'autres. Au départ, la société avait intenté ses poursuites lundi soir avant de se voir octroyer officiellement le brevet. Elle a donc dû retirer cette première vague de poursuites avant de réitérer une journée plus tard ce qu'on ferait pas pour de l'argent. Voilà. Si vous voulez voir l'article et les détails de ce brevet, passez par un brevet pour les gouverner tous. C'est sur le site de la connexion au www.unechance.com. Un article de Clubic.com maintenant, sexy en diable du fait de son poids plume, de son écran et à rétroéclairage LED et de son gabarit miniature, le MacBook Air de Apple recèle aussi un certain nombre de choses trappes et d'inconvénients, à commencer par son absence de FireWire ou de lecteur optique, son disque dur 1,8 pouces de 4200 tours par minute, son unique, seul et unique port USB ou sa batterie que l'on ne peut extraire de son logement. Alors que les premiers exemplaires du MacBook Air viennent tout juste d'être envoyés aux acheteurs les plus enthousiastes, Apple est obligé de reconnaître quelques autres petits défauts qui, eux, ne découlent pas forcément de la course à la miniaturisation d'Apple. Saviez-vous, par exemple, que l'utilisation d'un écran externe sur votre MacBook Air risque de provoquer des interférences avec un réseau Wi-Fi. C'est vrai. Pour remédier à la baisse des débits consécutives à ces interférences, Apple suggère aux utilisateurs du MacBook Air de passer dans la bande des 5 GHz, de modifier le canal utilisé sur la bande des 2,4 GHz, c'est là que le problème est causé, ou de rapprocher l'ordinateur du routeur ou point d'accès sans fil utilisé. Apple fait par ailleurs remarquer que l'utilisation de périphériques Bluetooth est également susceptible de provoquer des interférences. Apple reconnaît également qu'il est possible de rencontrer quelques problèmes de compatibilité entre le MacBook Air et les écouteurs audio qu'on retrouve dans le commerce, du fait de la petite taille de la trappe qui abrite le connecteur jack. Votre prise ne pourra pas se rendre jusqu'au fond. Dans ce cas, Apple préconise le recours à quoi? Un adaptateur tiers que l'on retrouvera, par exemple, sur l'Apple Store. Les utilisateurs de MacBook Air qui souhaitent profiter de Bootcamp pour installer Windows XP ou Windows Vista sur leur portable MacBook Air auront la déconvenue d'apprendre que l'utilisation d'un lecteur CD ou DVD externe connecté en USB est obligatoire. Il faut l'acheter à part. Le système Remote Disk, qui permet d'utiliser le lecteur optique d'une machine présente sur le réseau pour installer Leopard ou d'autres applications, ne s'applique pas à Bootcamp, précise Apple. Donc, vous pouvez, par exemple, installer un logiciel via un ordinateur de bureau que vous avez dans une autre pièce par réseau sans fil sur votre MacBook Air. Mais ça ne fonctionne pas avec Bootcamp pour installer Windows XP. Non. Une dernière note confirme par ailleurs le fait que la version de Leopard fournie avec un MacBook Air ne fonctionnera pas sur un autre ordinateur Apple, seulement sur le MacBook Air. Fort d'une apparence séduisante et de sa finesse exceptionnelle, dit l'article, le MacBook Air est commercialisé au prix de 1 700 € dans ses versions de base, je m'excuse pour le prix français, équipé d'un processeur Core 2 Duo cadencé à 1,6 GHz de 2 GB de mémoire vive soudée à la carte mère, donc on ne peut pas la changer, et d'un disque dur de 80 GB. Parlant de MacBook Air, le processeur Core 2 Duo miniature développé par Intel pour le nouvel ordinateur portable MacBook Air d'Apple pourrait bientôt être utilisé par deux fabricants de PC selon le magazine PC Advisor qui cite une source proche d'Intel. Ils affirment que le processeur serait utilisé dans des ordinateurs fonctionnant dans un environnement Windows. Les deux fabricants n'ont pas été identifiés. Apple avait demandé à Intel de produire un processeur Core 2 Duo 60% plus petit que ses processeurs de puissance équivalente pour la création de son MacBook Air, l'ordinateur le plus mince au monde. Le processeur produit pour Apple et annoncé lors du dernier congrès Macworld est un Intel Core 2 Duo miniature cadencé à 1,6 ou 1,8 GHz avec le jeu de puce 965 GMS et n'utilisant que 20 watts contre 35 watts pour la version régulière du processeur. L'Intel Core 2 Duo utilisé dans le MacBook Air est gravé en 65 nm et fait partie de la famille Merom. La prochaine famille de processeurs d'Intel, Monte Vina, gravée en 45 nm, devrait voir le jour d'ici mai 2008. Vous pouvez aller voir l'article de PC Advisor et le lien vers le MacBook Air de Apple sur le unechance.com. Parlons un peu en cette fin d'émission de la nouvelle qui a retenu l'attention de tout le monde vendredi dernier, c'est l'achat, l'offre d'achat de Yahoo présentée par Microsoft. Et là, un article de branchezvous.com écrit vendredi justement, outre les conséquences économiques directes, quels sont les effets sur les deux entreprises? Dans la lettre qu'il a adressée au conseil d'administration de Yahoo, Steve Ballmer, le PDG de Microsoft, mentionne plusieurs avantages pour les deux entreprises à la suite de la transaction qu'il propose. La première est l'économie d'échelle. Pour les deux entreprises, la publicité en ligne constitue l'un des principaux revenus sur le web. Le fait de réunir les deux moteurs de publicité et de les lier à un seul moteur de recherche permettra de diminuer les dépenses et d'accroître la valeur de l'offre aux commanditaires. Évidemment, la capacité accrue de recherche et de développement constitue un autre avantage certain. Le fait de concentrer le savoir des deux équipes dans le développement d'un moteur de recherche permettrait d'obtenir un produit plus efficace et innovateur. Enfin, la fusion des services complémentaires comme les clips vidéo, les services mobiles, le commerce en ligne et les réseaux sociaux permettrait d'offrir à l'utilisateur une expérience beaucoup plus complète. Il n'est pas nécessaire d'être un gourou de la technologie ou de la finance pour se rendre compte que Microsoft cherche à acquérir les outils nécessaires pour affronter Google sur son terrain, dit branchezvous.com. Mais il faudrait peut-être aussi surveiller la future apparition d'un site d'enchères en ligne pour concurrencer eBay, car il n'y a pas si longtemps, Yahoo possédait son propre site. Il est actuellement fermé, mais il y a fort à parier que la technologie est toujours accessible. Enfin, qu'est-ce qu'une telle fusion représenterait pour le Canada? On sait que Microsoft est partenaire de Sympatico et que Yahoo est partenaire de Rogers. On peut donc prévoir des négociations serrées. Il faut également se poser la question à propos des services de courriel. Il y a fort à parier que Microsoft conservera les deux services distincts. Une fusion de plusieurs millions d'abonnés de chaque côté serait extrêmement difficile à gérer. Cependant, Yahoo a procédé à quelques améliorations de son service que la société de Redmond, Microsoft, voudra peut-être intégrer à son service Live. Évidemment, il y aura également la possibilité d'une intégration partielle du genre yahoo.live.com. Au bout du compte, dit l'article, on ne peut que spéculer sur l'avenir des deux géants. Une chose est certaine, par contre, advenant l'acceptation de l'offre de Microsoft, la face du web risque de changer de façon significative. Nous assisterons certainement ensuite à un affrontement Microsoft-McCloud contre Google Kurgan, car à la fin, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Voilà. Donc ça, c'était une nouvelle en date de vendredi dernier. On va évidemment vous tenir au courant de ce dossier-là parce qu'en date d'aujourd'hui, là, jeudi en direct, on est le 7 février. Rien ne se passe, rien de nouveau là-dessus. Surbranchez-vous, ni aucun essai de nouvelles que je suis. Donc on suivra ça la semaine prochaine. Les nouvelles se passent toujours le jeudi. De toute façon, ça tombe mal que l'émission soit là. Google! Toujours dans le même sujet, contre-attaque sur l'offre d'achat de 44,6 milliards de dollars déposée jeudi dernier par Microsoft pour acquérir Yahoo. La compagnie californienne, par la voix de son avocat principal, soulève plusieurs questions quant à la légitimité de la transaction. L'offre hostile d'achat déposée par Microsoft est troublante, écrit David Drummond. Cette transaction n'est pas seulement financière et remet en cause les fondements même d'Internet concernant la liberté, l'ouverture et l'innovation. Drummond demande notamment au gouvernement de plusieurs pays de vérifier si la transaction ne contrevient pas à leur loi antitrust. Voulons-nous que Microsoft exerce une influence négative et illégale sur Internet comme à l'époque où elle le faisait pour promouvoir Windows sur l'ensemble des PC, poursuit l'avocat. Donc on suivra le dossier de Google aussi sur l'achat de Yahoo par Microsoft. Maintenant, ben, je pense que le temps file comme toujours. Et parlons un petit peu, un tant soit peu, de gadgets. Go, go, gadget dans ta main. Go, go, gadget au chapeau. Go, go, gadget au poing. Qui c'est? Élastique au gadget. Ah oui, tellement, il s'en passe tellement de choses. J'ai posté sur le www.unechance.com, entre autres, dans les choses qui m'ont intéressé dans les gadgets. Il y a une lampe vraiment, vraiment cool. D'accord? Une lampe tellement mince, on la voit à peine sur sous plusieurs angles. Il y a aussi qu'est-ce que j'avais? Ah oui, une souris qui une souris gonflable. Jelly Click, que ça s'appelle. Hein? Jelly Click, ça, c'est génial. Je suis en train de chercher encore mes liens. Là, je les avais pas devant moi. C'est pour ça que j'y vais en direct comme ça. Ah oui, tiens. Celui qui m'a vraiment intéressé, c'est un T-shirt, d'accord? Un couple, le gars et la fille, ou le gars, bon, peu importe. Aussitôt qu'ils sont proches, comme dans un jeu vidéo, sur ton chandail, des cœurs apparaissent. Tu sais, comme la barre de vie, disons. Là. Et puis, plus vous vous éloignez à 2 mètres, etc., les cœurs vont se baisser un à l'autre. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est le contraire? En tout cas, donc pour la Saint-Valentin, très beau cadeau à offrir à votre copine. Et puis voilà, j'ai pas vraiment lu l'article au complet, mais c'est pas grave. Voilà, je pense que ça va faire le tour pour les gadgets, sérieusement, parce que je manque de temps. Les jeux les plus cherchés sur le oneup.com, les jeux les plus populaires, en date du 7 février, c'est en troisième Lost Planet sur la PS3, en deuxième Resistance 2 sur la PS3, et en première place, c'est Devil May Cry 4 sur la PS3. J'étais en train de chercher d'autres affaires. J'ai trouvé... en fait, les liens marchent pas sur le site, je sais pas pourquoi, mais bon. Il y avait, vous savez, les barres de courant d'électricité qu'on branche dans le mur, on branche plusieurs appareils là-dedans. Vous savez, quand vous branchez, disons, votre cellulaire ou votre console de jeux vidéo, votre bloc prend deux espaces. C'est vraiment fatigant. Donc, le Socket Sense Expanding Power Strip qui vous permet d'étirer chacune des prises, l'espace entre les prises pour pouvoir mettre plus de gadgets sur votre barre de tension. C'est bien, hein? Y a des salières et poivrières qui, au lieu de les secouer pour faire tomber le sel, elles se brassent elles-mêmes. C'est super génial. Et puis voilà, ça fait à peu près le tour pour les gadgets. J'ai posté aussi sur le site quelques jeux pour le bureau. Spin de Black Circle. Il y a aussi Baldur's Never Die, Shift, Orbita, Multiball Madness. Je l'ai essayé, celui-là, Multiball Madness. C'est un genre d'arcanoïde. Mais avec plusieurs balles à la fois. C'est génial, c'est super le fun à jouer. Et puis finalement, tiens, on pourrait faire un minuscule tour du net dans ces trois dernières minutes. Vous savez comment j'aime ça. Voilà, tour du net cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant sur le net? Il y a entre autres... Ah oui, Rambo. Vous connaissez Rambo, le nouveau film Rambo 4. Eh bien, il y a sur Internet, sur le site de Geekster.com, un genre de statistiques, un bulletin de statistiques du nombre de méchants tués par Rambo alors qu'il ne portait pas son chandail, alors qu'il portait son chandail. Ensuite, il y a le nombre de bonnes personnes qui ont été tuées par des méchantes personnes. Et là, on fait le compte en temps, en... en foi, The First Blood en 82, Rambo 2 en 85, Rambo 3 en 88 et Rambo en 2008. Les chiffres sont tous là et les chiffres de 2008 sont pas mal les plus hauts dans chaque catégorie. Allez voir ça, c'est sur Geekster. Ensuite, si je reviens un petit peu vers la gauche, ah oui, ça c'est vraiment très très bien. Il y a un jeu vidéo, ok, en ligne, une version hackée de Mario World. Très très difficile. Le gars, ça lui a pris 134 fois faire un tableau. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a superposé chacune des 134 fois, une par-dessus l'autre, dans une vidéo qu'on peut voir. Ça s'appelle Time Merge Media. C'est le premier lien de la section autour du net sur lunechance.com. Aussi, la troupe d'improvisation Improv Everywhere, un samedi soir à New York. Improv Everywhere, ils font des petites improvisations comme ça. C'est des groupes de gens, d'agents, qui se rassemblent et décident de faire une mission, comme dans ce cas-là, c'était de rester gelé au Grand Central Station, une station de train, je ne sais pas. Et puis, il devait rester congelé et les gens autour d'eux ne savaient pas trop ce que c'était. Il y a d'autres vidéos dans la section mission, par exemple, No Pants Day, où tous les agents ne portaient pas de pantalon dans un métro, quelque chose comme ça. Et puis, je pense que je vais vous laisser aller voir les liens parce qu'on n'a plus de temps pour cette émission de La Connexion. C'est malheureux quand ça arrive, mais que voulez-vous? Il y a tellement de sujets dans le monde. C'est tellement intéressant. Allez voir le reste sur le www.unechance.com. Moi, je vous retrouve pendant ce temps-là au poste d'écoute les vendredis matin à 10h, les samedis et mardis à 13h. Et dans les palmarès, c'est fou, les vendredis soirs à 17h, les mercredis à 13h. La Connexion est en direct toujours les jeudis matin à 11h et en rediffusion les mardis à 9h. De la part de toute l'équipe fictive de La Connexion, je m'appelle Mathieu Plante. Je suis en train de vous dire, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance. Dash.com.